Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le cinéma, c'est comme le sexe. Quand c'est bien, c'est génial. Et quand c'est pas bien, ben c'est pas mal quand même. Cette semaine, Hollywood. Le passage à Hollywood fait partie de ce dépassement du théâtre pour avoir notamment des décors naturels. Au théâtre, vous avez une toile peinte. Des débuts à la suite. Le cinéma hollywoodien est devenu très fort. Et une des raisons de la domination du cinéma américain dans le monde, c'est la force de son réseau de distribution. Quelques personnages oubliés. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs étaient ceux qui ont écrit l'histoire du cinéma dans les années 40. Heureusement, les choses ont changé. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Yannick Dehé, éditeur, historien. J'ai pas mal travaillé sur l'histoire du cinéma et l'histoire économique d'Hollywood. Et ceci en tombant sur une masse d'archives, semble-t-il, tout à fait épatante. Hollywood conserve de l'archive, ce qui pour un historien est quand même un cadre relativement idéal. Sur quoi vous êtes tombé ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors, à Los Angeles, en fait, les étudiants en cinéma ont accès à des bibliothèques assez magnifiques dans lesquelles on conserve à la fois les souvenirs des anciens acteurs, des anciens producteurs, même des techniciens écrivent leurs souvenirs. Donc déjà, cette masse est assez considérable. Vous avez aussi une presse professionnelle qui a conservé toutes ces archives et qui est d'un détail colossal, c'est-à-dire qu'on voit des Hollywood Reporter, Variety, qui ont réalisé des enquêtes, des véritables travaux d'investigation qui permettent de savoir que tel ou tel film fameux à l'époque, en fait, a été déficitaire, par exemple. On a également des magazines de gossip. Il y en avait plusieurs qui détaillent semaine après semaine les frasques des grands acteurs hollywoodiens. Bref, il y a une masse documentaire incroyable qui n'est pas, à l'heure actuelle, suffisamment exploitée par les historiens. Ce qui est surprenant, Yannick Dehé, c'est autant, effectivement, la presse qu'on qualifierait rapidement de « people », il est tout à fait compréhensible de trouver des lecteurs. En revanche, cette dimension économique, ce suivi économique est plus surprenant. Il s'adresse à qui ? Il s'adresse en premier lieu aux professionnels des studios, également au milieu financier, parce qu'à partir des années 30, Hollywood, qui était assez indépendant, a connu quelques ratés. Faut pas oublier que c'est la période de la Grande Dépression. Et donc, les studios sont de facto passés sous la coupe des banques ou de grands conglomérat industriel. Par conséquent, sur la côte Est, on a eu des tas de banquiers, de gens très très sérieux qui se sont mis à lire tout ce qui pouvait leur tomber sous la main sur... Pour voir le sérieux de l'édifice. Pour voir le sérieux de l'édifice, pour voir les perspectives, pour essayer de comprendre quels étaient les réalisateurs, les acteurs bankable, ceux sur qui on pouvait miser, quels sont ceux dont il fallait se méfier. Par exemple, Von Stroheim très vite a eu une réputation épouvantable et n'a plus été en mesure de travailler parce qu'il avait la réputation d'exiger des dépenses tout à fait somptuaires qui relevaient de sa vision créatrice à lui, mais qu'on considérait comme inutile. Par exemple, il exigeait qu'on peigne en vert une voiture parce que dans le roman qu'il adaptait, la voiture était en vert. Sauf que comme on tournait en noir et blanc, il était seul à savoir que la voiture était dans le vert. Pour l'acteur, c'est important quand même d'avoir le costume qui convient. Exactement, mais Hollywood a toujours été un business avant tout. Et un business en crise, c'est ce que vous dites Yannick Dehé, c'est-à-dire quasiment dès le départ, dès l'origine, on va revenir justement aux origines, aux petits ruisseaux, aux petits films qui sont produits dès le départ, avant qu'ils ne deviennent de plus larges rivières, c'est une industrie en crise, c'est une industrie qui a du mal à trouver son modèle économique, on pourrait le dire comme ça ? Oui, Hollywood est une industrie illusionniste. Alors, ça ne devrait pas nous surprendre puisqu'ils sont là pour créer du rêve. Mais ils ont également réussi très tôt à créer l'illusion d'une industrie très puissante, très prospère, très rentable, en dépensant beaucoup d'argent. En réalité, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a certes des périodes où ils sont rentables, mais une majorité de périodes où ils ne le sont pas. la première moitié des années 30, je l'ai dit, ces studios sont en grande difficulté. Après la guerre, on oblige à démanteler ce qu'on appelle l'intégration verticale, c'est-à-dire les studios détenaient les plus belles salles de première exploitation, les grands palais magnifiques qui, dans les grandes villes, accueillaient les premières des films à grand spectacle. Et appartenaient aux studios. Et appartenaient donc aux studios, on les oblige à s'en défaire. Dans les années 50, la télé vient concurrencer Hollywood, et puis en plus, les mutations démographiques font que beaucoup de familles déménagent en banlieue, loin des centre-ville. Dans les années 60, on a l'émergence d'une jeune génération de spectateurs qui ne se reconnaît plus du tout dans les productions qui sont réalisées à l'ancienne par des cadres déjà assez vieillissants puisqu'ils étaient déjà en poste dans les années 30. Donc on va avoir un véritable retournement où une jeune génération, celle des Spielberg, Lucas, Scorsese, Coppola, va prendre le pouvoir et va revitaliser un petit peu tout ça. Donc, en réalité, les périodes de rentabilité sont assez peu fréquentes et ça se traduit par des rachats de plus en plus fréquents de studios et des investissements de la part d'entreprises étrangères. Par exemple, Sony qui a racheté Columbia en 89. Vous avez la MGM qui a été rachetée à plusieurs reprises, par exemple par le financier italien Giancarlo Paretti, dont on dit qu'il avait des liens avec la mafia. Le groupe français Vivendi s'est risqué à racheter Universal et puis ça s'est pas très bien passé. Enfin bref, il y a régulièrement comme ça des injections de capitaux étrangers qui permettent de continuer à travailler. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui sont le plus sollicités. Donc, on a comme ça des vagues régulières. Et puis, Hollywood trouve également toujours des nouveaux marchés à l'étranger et des nouvelles plateformes d'exploitation. Aujourd'hui, ce sont les fameux Netflix, HBO, etc. C'est précisément ce que j'allais renchérir, Yannick Dehaye. C'est qu'effectivement, vous tracez la ligne successive des crises. Mais en face de ces crises, cette espèce de capitalisme inventif, imaginatif, arrive à trouver le ressort de la réponse, du contrepoint, aller chercher autre part, inventer. Repartons par exemple au départ. Naissance d'une nation, film fleuve, à recommander à toute paire d'yeux vivant sur cette terre, signé D.W. Griffiths, un véritable monument du cinéma, est une sorte d'étape cruciale, de marqueur. C'est effectivement un tournant parce que, au départ, le cinéma, c'est un divertissement d'arcade. Arcade, c'est des salles de jeux et de divertissement qu'on trouve dans les grandes villes de la côte Est, qui sont tenues par des entrepreneurs émigrés, sont en général des Juifs d'Europe de l'Est qui ont émigré aux États-Unis et qui diffusent des tout petits films de quelques minutes, muets, qu'on regarde à travers un petit œilleton. Les Nickelodeon. Les Nickelodeon, exactement. On peut les nommer. Alors, pour tourner ces films, en fait, on va dans la campagne environnante. Et ce sont des films qu'on fait avec des amis, de la famille, quelques mètres de pellicule. Enfin, c'est vraiment fait à la bonne franquette. Ce que vous avez fait, ce que j'ai fait également de mon côté, voilà. Puisqu'on fait plus ou moins tous ça. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, on a finalement des petites caméras numériques qui sont, je dirais, du bien meilleur matériel que ce dont ils pouvaient disposer à l'époque. Les Lombards s'en portent mieux. Et puis, quelques équipes se transportent sur la côte ouest à Hollywood, qui est à l'époque un pré avec quelques maisons, un carrefour. Ils ont été attirés par une bonne communication de la Chambre de commerce qui dit on a 350 jours de soleil par an, on a la mer, pas loin on a la montagne. Si vous voulez tourner des films, on a des cow-boys, on a des Chinois, on a des Latinos, c'est une main-d'œuvre extrêmement bon marché. Bref, on vous offre tout ce dont vous pouvez rêver. Et donc, les premiers studios sont en réalité des petites équipes de producteurs plus inventifs et plus audacieux que les autres, qui débarquent, qui montent des tentes et qui commencent à développer des projets un petit peu plus ambitieux. Et alors, effectivement, le tournant, c'est Griffiths. On est sur un film, un projet de film qui coûte 100 000 dollars. Ça peut paraître peu aujourd'hui, sauf que la plupart des films qu'on faisait à l'époque en coûtaient 1 500. Donc c'est un énorme risque, c'est un énorme investissement. 100 fois le prix donc. Et ce sera un jackpot. ce sera le premier grand succès du box-office à l'échelle mondiale. Alors évidemment, il faut dire aussi que la vision de Naissance d'une nation est aussi une vision particulièrement raciste. Mais on ne peut pas résumer Naissance d'une nation à ça. Ça reste un film important dans l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a eu l'idée ? Alors, est-ce qu'on peut dire que Griffiths n'a pas eu seulement l'idée, il avait aussi le courage ? Puisque finalement, si le succès est à ce point au rendez-vous, ce n'est sans doute pas seulement lié au thème, à la qualité, etc., du film, du réalisateur, c'est parce que le moment était, enfin, le fruit était mûr. Vous pouvez être un grand artiste avec une vision et ne jamais pouvoir la développer complètement. Griffiths se trouvait également être un entrepreneur avec un peu de capital et avec de l'audace. Donc c'est ce mélange d'artiste et d'entrepreneur qui fait qu'il a été le premier à franchir le pas et à montrer aux autres que ça pouvait être rentable. Et du coup, ensuite, c'est la ruée. C'est-à-dire que beaucoup de ces hommes d'affaires qui exploitaient les Nickelodeon sur la côte Est sont arrivés quelques mois plus tard et ont eux aussi voulu profiter de ce nouveau marché. Donc on a eu véritablement un décollage entre 1910 et 1920. Hollywood s'est mis à pousser comme un champignon. Et puis ensuite, bah, on est passé des tentes à des studios en dur. Et puis ces studios se sont structurés, ont organisé des départements techniques, se sont attachés par contrat des écrivains, des acteurs, se sont mis à acheter des salles, se sont mis à emprunter également à des banques. Ça a été le début d'un engrenage financier. Bref, Hollywood est né à partir de ce déclic. Donc c'est très important d'avoir donné le déclic. Mais c'est vrai que tout artiste n'est pas nécessairement un entrepreneur ou n'a pas nécessairement les moyens financiers de mettre en œuvre seul sa vision. C'est bien la raison pour laquelle dans le cinéma il y a des producteurs, dans le livre il y a des éditeurs, dans l'art il y a des galeristes, parce que souvent l'artiste a besoin d'être épaulé, d'être accompagné par quelqu'un qui gère ses aspects financiers. Restons un moment sur David Griffiths et le profil qu'il représente. Il faut noter que Griffiths va se spécialiser en quelque sorte dans le film Fleuve, puisque ce premier-là sera suivi d'Intolérance, autre film gigantesque, dont d'ailleurs une copie a été présentée il y a quelques années, restaurée en avant-première au Festival de Cannes, pour bien marquer à quel point c'est un objet événement qui se trouve là. Griffiths, il va s'en sortir comment ? Parce que quand on fait ce genre de gros barnum, il arrive qu'on se retrouve sur la paille. Qu'en est-il pour lui ? Ben, effectivement, on peut réussir un coup d'éclat, mais ce qu'ont rarement les artistes, fussent-ils dotés d'un certain sens de l'entreprise, c'est que on n'est pas en mesure d'établir une organisation autour de soi qui permette une production régulière. C'est un peu la même chose qui est arrivée à Coppola. Coppola, dans les années 70, crée et tout lui réussit dans un premier temps. Donc, il crée à San Francisco un studio qui s'appelle Zoetrope et qui est appelé à devenir la maison de tous ces jeunes réalisateurs brillants qui veulent un peu casser les codes d'Hollywood. Et il produit des films intéressants, comme le premier film de George Lucas, THX 1138, qui est un film austère, mais qui est, la première brique dans l'œuvre Space Opera de George Lucas. Et malheureusement, bien qu'aux pour antithèses lui, sur le plan de la forme, voilà, aux antipodes. Ah bah, il a tiré quelques leçons de son échec. Donc effectivement, c'est facile de critiquer Lucas pour sa débauche d'effets spéciaux, de tout ce qu'on veut. La première version était janséniste. La première version était quand même très janséniste. Et donc Coppola va passer des années et même des décennies à rembourser le flop de Zoetrope. C'est-à-dire ça va être une explosion en vol. Et effectivement, on a dit Coppola, dans les années 80, 90, il a quand même eu un passage à vide, il a fait des films qui étaient peut-être un peu moins bien. Oui, sauf que il avait des traits d'éponge. Il épongeait. Et donc, même chose. Bon, aujourd'hui, on dit qu'il est en train de préparer un film testament, Somme, qu'il voulait déjà faire avant le 11 septembre, mais qu'il a dû suspendre à cause du 11 septembre 2001. Rappelez-moi le titre. Mégalopolis. Mégalopolis. Je pense que là, il est en train de le faire. Tous les signaux sont au vert. Apparemment, il travaille. Alors, ce sera peut-être un film qui n'aura pas un grand succès public. Mais en tout cas, on peut s'attendre à ce que ce soit un film qui ait une vision particulièrement marquante. Parce que lui, à l'âge qu'il a, il veut sortir par le haut. Mais donc, c'est extrêmement difficile, en fait, sur la durée, d'avoir à la fois cette dimension de très grand artiste et la dimension de très grand entrepreneur. Parce que grand entrepreneur, ça demande d'autres qualités. Et donc, la fusion des deux, c'est quand même assez exceptionnel. Correction THX. This is City Pro the Scanner. We run across some illegal sexual activity. Histoire vivante, cette semaine, Hollywood. On va parler, Yannick Dehé, d'organisation du marché. Il y a une technique qui s'intitule le block booking. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer cette technique? Voici, par le block booking, une des parades qui permet à l'industrie cinématographique de trouver des formes de rentabilité. Alors, en quoi la chose consiste-t-elle? Alors le block booking, c'est une technique très habile des studios consistant à dire aux exploitants, vous voulez tel film événement de l'année, mais vous allez devoir nous en prendre 10. Alors dans les 10, on va vous mettre 5 films dont vous n'avez absolument pas envie, 2-3 films ou 4 films d'assez bonne facture, et puis le film événement de l'année. Alors ce qui est vrai, c'est que d'abord dans les années 40, on développe le programme double feature, c'est-à-dire que on peut, sur une même soirée du samedi soir, avoir 2 films pour le prix d'un. Donc, après tout, je dirais, pour mieux mettre en valeur la qualité du deuxième film, pourquoi pas en passer un premier. Vous connaissez le mot de Billy Wilder, qui date à peu près de ces années 40. Le cinéma, c'est comme le sexe. Quand c'est bien, c'est génial. Et quand c'est pas bien, ben c'est pas mal quand même. Donc, partant de ce principe, le block booking, je dirais, est une pratique qui s'impose aux États-Unis dans les années 30 et 40. À partir de 49, c'est interdit par la commission antitrust. On se reporte sur l'export, parce qu'évidemment, ce qui est interdit aux États-Unis n'est pas nécessairement interdit à l'extérieur des États-Unis. Donc, le block booking a vécu, notamment en Europe, des beaux jours pendant très longtemps. Restons à cet étage-là, c'est-à-dire à l'étage de l'exploitation. Des salles de cinéma, vous écrivez, Yannick Dehé, les salles sont classées en catégories correspondant à leur qualité et à l'ordre de présentation des nouveaux films. Un millier de salles, les plus luxueuses appartiennent aux producteurs et assurent plus de la moitié des recettes. 1700 salles d'exclusivité moins luxueuses, puis des salles de quartier et enfin les plus modestes se partagent l'autre moitié. C'est sur le millier de salles de première exclusivité que les studios concentrent leurs efforts, grignotant ce marché tout au long des années 20 et 30. Peut-on préciser d'ailleurs comment ça se passe pour la salle de cinéma? Comme aujourd'hui, la salle de cinéma reçoit le film et reverse une partie des billets d'entrée pour payer la dite copie, ou bien il faut payer à l'avance la copie pour pouvoir l'avoir? Non, en général, l'exploitant reçoit la copie et reverse un pourcentage sur les billets. En revanche, il a à sa charge les frais de publicité locale. C'est-à-dire il paye l'affichage, il paye les insertions dans la presse. S'il organise des avant-premières, tous les frais liés à ces avant-premières sont pour lui, etc. Alors, sur cette répartition des salles, quel est le profil, si toutefois il existe, le profil type de l'exploitant de salles de cinéma? On a compris qu'il y a ceux qui sont directement en lien avec les gros studios, les grosses maisons de production, mais les autres sont des Des petits boutiquiers, des petits indépendants? Au départ, c'est des petits indépendants. Et en fait, très vite, on va assister à une concentration. Vous avez toujours dans un secteur des entrepreneurs qui sont plus forts, plus dynamiques, plus agressifs que les autres. Par exemple, à Chicago, vous avez les frères Balaban qui vont constituer un empire sur toute la côte Est en rachetant des salles dans d'autres villes. Ne me dites pas que ça se passe dans les années 30. Parce que Chicago, années 30, on voit déjà ce qu'il y a parfois dans le holster. Je ne tirerai pas tout de suite des conclusions. Alors, ce qui est vrai, en revanche, c'est que lorsque la mafia s'avise que Hollywood peut être une affaire intéressante, il y a tout d'un coup un mouvement de syndicat des projectionnistes qui se développe. Et ce syndicat peut parfois avoir des attitudes imprévisibles. Donc, ils bloquent les films. Les mafieux viennent dire aux studios hollywoodiens, nous aimerions, je dirais, bénéficier un petit peu de votre manne. Et si le studio refuse, tout d'un coup, il y a des grèves de projection ou bien on se met à projeter les bobines dans le désordre. Il y a des tas de petits incidents qui font qu'au bout d'un moment, effectivement, le patron du studio finit par céder. Donc on voit quelques mafieux s'installer à Hollywood, profiter d'ailleurs de la grande vie, mais c'est pas seulement du racket, c'est aussi un phénomène d'osmose, parce que ces mafieux sont fascinés, ils draguent les stars hollywoodiennes, certaines tombent amoureuses, et puis Hollywood se met à faire des films sur les mafieux, parfois en utilisant les mafieux comme consultants sur le tournage. Par exemple, la Warner se fait une spécialité de ces films-là avec James Cagney, etc. C'est un phénomène d'acculturation mutuelle. Disons que les requins de la mafia et les requins d'Hollywood apprennent à travailler ensemble. Mais pour en revenir aux salles, qui était votre question initiale, donc on a au départ pas mal de petits boutiquiers, de petits entrepreneurs, et ça reste dans les petites villes, ça reste le cas. Plus la ville et la salle est modeste et plus vous avez de chances que ça reste une salle indépendante. En revanche, dans les grandes villes, c'est une autre affaire. C'est-à-dire que dès que on est sur un marché solide, rentable, avec des perspectives de croissance, là, il y a de la concentration, il y a des groupes qui se forment. Ça peut être également des groupes financiers, ça peut être des banques qui soutiennent telle ou telle entreprise. C'est pas forcément une entreprise mafieuse. C'est plutôt, les mafieux vont plutôt avoir tendance à aller en prédation, exiger leur écho, que vouloir contrôler directement ce type de business. Y a-t-il également, dans le circuit des salles de cinéma, ce qu'on pourrait appeler le cinéma municipal, le cinéma qui appartient ou qui est géré directement ou indirectement par la mairie? Non, ça c'est très très européen. C'est européen. C'est très européen, c'est pas du tout dans la mentalité américaine de se dire, bon, notre petite ville n'a pas de cinéma, la mairie va créer une salle parce qu'il faut que nos citoyens puissent avoir accès à des films. Non, la vision américaine, c'est le marché est censé répondre à tous les besoins. S'il y a un besoin, il y aura forcément une offre derrière. En revanche, ce que l'on voit se développer, c'est des formes alternatives de cinéma. Par exemple, le drive-in, qui apparaît dans les années 60, qui est une forme de cinéma qui s'adresse avant tout aux jeunes, qui peuvent venir en voiture. Et ça présente quand même l'avantage d'avoir très peu de coûts fixes. Vous n'avez pas besoin d'un immeuble, vous avez juste besoin de mettre une grande toile, évidemment de clôturer l'ensemble pour qu'on soit obligé de payer à l'entrée, de vendre des friandises, mais c'est un investissement tout à fait minimal. On est dans le prototype de ce que vont en fait devenir, pour une part, les grands complexes de cinéma d'aujourd'hui, l'idée d'associer la nourriture et la vision d'un film, j'entends la nourriture autre que le traditionnel et feu regretté esquimau glacé, là on mange, on fait des repas avec des frites, avec... Alors ça, c'est effectivement l'effet de l'arrivée ou du rachat de certains studios dans les années 70 par des groupes qui sont eux-mêmes présents dans l'immobilier. C'est-à-dire ces groupes voient tout de suite qu'il va y avoir une possibilité de développer les salles en leur associant non seulement de la restauration, mais également, on s'est retrouvé dans les années 80, avec des grands jeux vidéo. Donc les adolescents venaient voir un film, mais avant ou après, ils restaient sur place pour dépenser quelques piécettes supplémentaires et jouer aux jeux vidéo. Et puis, on pouvait multiplier comme ça les activités. Mais il est bien évident, Yannick Dehaye, qu'on voit aussi que dans ce type d'espace, dans ce genre de topographie, ce ne sont pas, pour le dire de manière brève, des Ingmar Bergman ou autres Federico Fellini qui sont projetés. C'est-à-dire que c'est le type de lieu qui appelle un type de film. Globalement, oui. C'est-à-dire que ce type de lieu appelle plutôt ce qu'on appelle les blockbusters. Blockbuster, c'est un terme qui est né justement dans la foulée des succès des Dents de la Mer de Spielberg, etc. C'est-à-dire... Début 80. Fin des années 70, début des années 80. Effectivement, on est passé d'une époque où on sortait des films d'abord dans des très grandes salles de première exclusivité, et ainsi de suite, jusqu'aux salles de quartier, à une époque où on s'est dit, tiens, il est possible de gagner encore plus d'argent avec des dépenses publicitaires énormes et en sortant les films dans toutes les salles en même temps. Bon. Donc c'est vrai que le multiplex, ça sert d'abord à ça. Mais on s'est également aperçu, les États-Unis sont un pays dans lequel on fait beaucoup de marketing ciblé, que le multiplex permettait aussi de satisfaire des publics très différents. Par exemple, vous avez des films pour les retraités. Quand on fait aujourd'hui un film avec un casting dont tous les acteurs ont plus de 70 ans, en général, c'est parce qu'on vise une cible de retraités. On s'est mis à faire des films pour les latinos. On s'est mis à faire des films qui ciblaient les Noirs, et ainsi de suite. Dans les années 70, ça s'appelait la Blaxploitation. Donc, c'est pas forcément tout le monde dans le même multiplex, à chacun sa salle, mais quand même, le multiplex permet aussi d'adresser des cibles très, très différentes. Et quand on s'est mis également dans les années 60-70 à construire des multiplex dans les centres commerciaux qui, par définition, attirent quasiment toute la population, il a bien fallu, bon, soit on a un film événement que toute la population veut voir, soit on n'a pas à un instant T un film événement, et dans ce cas-là, il faut être capable de proposer dans les différentes salles des films qui vont intéresser des segments différents du public. Yannick Dehaye, je reviens à ce phénomène du drive-in. On peut dire qu'il y a deux espaces qui semblent se croiser là. Le public qui est dans son espace privé, à savoir son véhicule, le tout, comme vous le disiez, entouré d'une clôture, ne serait-ce que pour pouvoir payer à l'entrée, mais... On peut imaginer que ça favorise aussi un contact que la seule salle de cinéma ne saurait reproduire, malgré les baisers au fond des salles, etc. Là, on peut rencontrer l'inconnu d'une certaine manière. Peut-on sortir de son véhicule où les drive-in sont frappés d'une organisation, d'une... Oui, alors effectivement, vous avez raison de signaler que le cinéma sert aussi à d'autres usages que le cinéma. C'est-à-dire que dans les années 40-50, des jeunes couples qui n'ont pas forcément quelque part où aller, bah, dans la pénombre de la salle de cinéma, peuvent au moins s'embrasser et plus s'y affiniter. Ouais. Le drive-in, c'est assez symptomatique, c'est qu'on ne sort pas de sa voiture. C'est-à-dire qu'on entre... On ne sort pas. On ne sort pas. Parce qu'on n'a pas le droit. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on est dans sa voiture. La voiture est de l'extension de soi. Et en plus, dans sa voiture, bah, même chose, on est avec sa petite amie en général, ou avec ses copains, on rigole. Mais c'est pas fait pour ça. Alors peut-être que de temps en temps, il y a des besoins naturels à les soulager. Mais le drive-in, le principe, c'est qu'on reste dans sa voiture. Parce qu'on pourrait très bien venir célibataire et puis regarder si d'autres véhicules et propriétaires sont dans le même cas. Alors le cinéma n'est pas le lieu de la drague. Le lieu de la drague, c'est les concerts, c'est les occasions de danse, éventuellement dans la rue, dans le supermarché. Mais au cinéma, on vient en principe avec sa petite amie. Donc c'est très cloisonné. Yannick Dehaye, si on veut vous lire, alors moi je me suis appuyé sur deux articles, mais il doit bien y avoir du bouquin dans l'air. En fait non, parce que c'est un projet que j'avais et que j'ai toujours, mais il y a toujours trop de choses à faire en même temps, et donc je ferai un jour une histoire d'Hollywood, mais pour l'instant c'est un projet qui est en stand-by. Donc effectivement, sur l'histoire économique d'Hollywood, j'ai commis un papier dans la revue Le Temps des Médias, qui était au sein d'un numéro assez riche sur l'argent des médias, justement, qui est un sujet qu'on aborde trop peu et qui est pourtant essentiel. On mettra ça en ligne sur le site d'Histoire Vivante. Merci de votre visite. Nous retrouverons en toute fin de semaine l'historien Yannick Dehaye qui sera avec nous pour évoquer les textes que deux auteurs ont consacrés à Hollywood dans le milieu des années 30, Joseph Kessel et Blaise Cendrars. Demain, la suite de cette évocation d'Hollywood en compagnie de l'historien Marc Vernet.